La notion de ajusteur de pensée, veux-tu nous en parler? Est-ce qu'elle est encore pertinente comme notion? Ben oui. L'être humain ne peut pas penser n'importe quoi. Il ne peut pas penser n'importe quoi. Ça y prend un filtre, ça y prend quelque chose qui va ajuster sa pensée, si on peut dire. Sinon, il va virer fou. Sinon, le monde deviendrait fou. Les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont télépathiques. Donc, ça prend quelque chose qui les protège de ça. Qui les protège de ça. Sinon, ce serait la folie. Vraiment, là, imaginez, là, comment vous seriez submergé par des pensées, puis comment ça pourrait être dangereux. Il y en a chez qui cette structure-là est pétée, puis ils sont en délire aussi, ça finit par des délires. Mais il reste que l'être humain ne peut pas penser n'importe quoi. Il ne peut pas tout penser, il peut pas penser tout en même temps, tout le temps. Il va virer fou. Ça prend des structures qui vont agir un peu comme pour faire un tri. D'ailleurs, le cerveau est un filtre. L'ajusteur de pensée, c'est un peu l'aspect plus subtil de ça. Parce que sinon, ben.